Avant de parler que sont devenus les Atlantes, de ce que sont devenus les Atlantes, j'aimerais savoir ce que c'est un Atlante. Un Atlante, c'est une race d'animal qui a vécu il y a de cela quelques milliers d'années sur une planète que tu connais bien et qui s'appelle la Terre. Dans quelle région de la Terre ont habité les Atlantes? Sur l'actuelle Europe, l'actuel océan Atlantique et l'actuelle Amérique. C'était si grand que ça. Ils habitaient ce que l'ésotérisme appelle l'Atlantide. L'Atlantide était un continent. Elle était parsemée de plaques qui flottaient à la surface de l'air, c'est-à-dire que c'était des plateaux montagneux qui, après le déluge, sont devenus des îles. Alors, il y a eu une séparation dans la région atlantéenne après le déluge, parce que le déluge de la Bible remonte à l'époque de l'Atlantide. Alors, à partir de ce moment donné, il y a eu des îles et il y a eu des vestiges atlantéens qui ont continué à habiter l'Amérique et des vestiges atlantéens qui ont continué à habiter l'Europe. C'est le début de l'Atlantide remonte avant le déluge? Oui, absolument. Longtemps avant? Non, pas tellement. L'Atlantide même au niveau du bouclier, c'est quelques millions d'années avant, pas tellement. Non, c'est ça. C'est vrai que c'est pas long. Est-ce que les Atlantes étaient comme ils étaient à la fin? Il y a eu sûrement une amélioration? Amélioration, il faut s'entendre. Il y a eu évolution, mais amélioration, c'est autre chose. Et il y a eu des mutations, il y a eu des transformations suite à certains cataclysmes, suite à certaines guerres. Les Atlantes ont toujours été des peuples extrêmement guerriers. C'est-à-dire qu'on parle de peuple, on parle de troupeau, mais extrêmement guerriers. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre sur la planète à part les Atlantes qui occupaient une si grande surface? Il restait quelques Lémuriens qui habitaient une île et ils s'appelaient eux-mêmes Muvians. L'île s'appelait Mu. Il y avait encore quelques Hyperboréens qui habitaient le nord, la région du Québec, du Groenland, de ces terres-là. Et il y avait quelques mélanges que l'ésotérisme n'arrive pas à voir. Il faut comprendre déjà une chose. Lorsque l'ésotérisme, et d'ailleurs la majorité des individus qui aujourd'hui parlent des Atlantes ou parlent de l'Atlantide, sont tous prisonniers, manipulés par la tradition. La tradition ésotérique dit qu'il y a sept mondes. On parle de sept ciels, on parle de sept plans astraux, on parle de sept races mères dans un cycle d'évolution, dans un contexte comme la planète Terre. Sept races mères, nous serions présentement, moi je ferais partie de la sixième race mère, première sous-race de la sixième race mère. La majorité des animaux humains et des êtres humains sur la planète Terre font partie de la cinquième race mère et habituellement cinquième sous-race de la cinquième race mère, la race blanche. Il y aurait donc sept races mères qui seraient divisées en sept sous-races. Il y a... Chacune? Chacune. Donc 49 races au total? Approximativement dans un cycle évolutif. Il y aurait sept plans, c'est-à-dire qu'il y a le plan matériel, il y a le plan vital, le plan astral, le plan mental, le plan supramental, le plan bouddhique, le plan divin. Sept mondes. La problématique, c'est que toutes ces choses-là, c'est faux. Vois-tu, c'est qu'il y a effectivement dans la structure du monde de la mort sept paliers séparés. Dans le monde de la mort, dans le monde astral, dans le ciel, dans le nirvana, c'est la même chose. Il y a sept mondes séparés. Ces sept mondes séparés qui constituent l'astral et qui sont intimement reliés à la conscience astrale de l'homme, donc à l'âme de l'homme, et c'est d'ailleurs à partir de cette âme que l'ego va développer une psychologie, une psychoconscience, une conscience astrale. Et cette conscience astrale va développer la spiritualité qui va être la perception émotive de l'univers, de sa création, de sa présence, de sa destinée, etc. Étant donné que le monde astral est le seul monde divisé en sept parties, et étant donné que la structure égoïque ne lie que par l'hémisphère astral, par le canal réincarnationnel dans le monde astral planétaire, il ne peut comprendre le monde qu'à partir de sept filtres différents. Étant donné que dans le monde astral, il y a sept paliers, on va dire il y a sept filtres. Quand la conscience d'un ego regarde le monde à partir d'un filtre, disons un filtre jaune, il va dire « Ah, il y a des choses jaunes ». Par la suite, il va essayer de voir autre chose, mais pour voir autre chose, il change de filtre. Changeant de filtre, il va dire « Ah, il y a des choses vertes ». Finalement, chaque fois que l'ego regarde le plan supramental, il doit l'observer à partir de sept filtres différents et il dira « Le plan supramental est divisé en sept parties ». Est-ce qu'on peut utiliser deux paliers ou trois paliers puis faire finalement sept exposant sept filtres? On peut le faire, mais dans la majorité des consciences. Si la conscience est extrêmement évoluée, elle aura accès à 3 discernements, donc elle aura l'impression qu'il y a 3 choses. Bon, alors il parlera du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enfin, il véhiculera une information du monde qui sera trinitaire. Maintenant, si l'humain est un peu plus évolué, il sera capable de discerner un peu plus la saveur émotive, donc il ira chercher dans les filtres astraux, alors il parlera de 7 mondes. C'est pourquoi, lorsque nous regardons astralement la condition évolutive de l'humain sur le plan planétaire, nous avons l'impression qu'il ne peut y avoir autre chose que 7 races mères. Si par la suite, astralement, et ce sont toujours des voyants, des médiums, donc, qui ont été dans le monde de la mort, dans les annales akashiques ou carrément dans la mémoire expérientielle du monde de la mort, ce sont toujours des voyants ou des clairaudiens qui, eux, ont essayé de décoder les choses. Vu qu'ils les décodaient à travers un endroit qui était septuple, ils ne pouvaient que considérer toute la création comme étant septuple. Alors, lorsqu'ils ont pris une race et qu'ils ont commencé à étudier la race, comme la race atlantéenne, par exemple, ils vont encore une fois décoder 7 niveaux. Lorsqu'ils vont étudier la race blanche, la race apparemment indo-européenne, ils vont aussi décoder 7 niveaux. C'est-à-dire que s'il y a 1000 niveaux, mais que les 100 premiers niveaux, tu n'as pas la capacité de subtilité pour les discerner, tu diras, ah, c'est la même chose. On forme des ensembles, des sous-ensembles, c'est-à-dire dans l'ensemble. Dans l'ensemble, mais c'est toujours à partir d'une vision septuple. Pourquoi? Parce que la vision de l'humain dans le monde de la mort est restreinte par 7 colorations différentes au niveau de l'émotion, ce qui fait que l'humain, traditionnellement, explique tout de la création aller jusqu'à la destruction totale. Il explique tout à base de chiffres, en l'occurrence du chiffre 7, au niveau des phénomènes créationnels. Alors, il faut faire donc attention lorsque l'on parle de 7 races. Est-ce que moi, je fais partie de la 6e, donc l'avant-dernière? Ou si je fais partie de la 5e, l'avant-avant-dernière? Est-ce que tu fais partie de la 4e, de la 5e, de la 6e? La race Atlante serait la 4e race mère. Maintenant, dans la race mère, fais-tu partie de la 1re ou de la 7e sous-race? Dans les cycles du critère, est-ce que tu fais partie du 5e cycle? Il y a toujours 7 cycles. Dieu créa le monde en 6 jours. C'est évident qu'il y aura 6 jours. Pourquoi? Parce que l'humain, lorsqu'il observe la création fractionnée de son univers, il le voit encore une fois en 7 doses différentes de coloration émotive. Donc, encore une fois, on parle de 7 journées, mais évidemment, le soleil a été créé la 1re journée. Il fallait qu'il y ait déjà un soleil pour avoir une journée. Bon, donc en partant, ce ne sont pas des journées solaires ou planétaires. Ce sont des fractions de mouvements cosmiques au niveau de la création. Mais étant donné que l'astral humain ne peut concevoir les choses qu'à partir des filtres qu'on lui a imposés, nécessairement, il y a 7 filtres, nécessairement, il le voit donc, toujours d'une façon septuple. C'est ce qui va engendrer énormément de problématiques dans la compréhension cyclique des choses. Pourquoi? Parce que s'il y a un cycle d'évolution dans le pissenlit, est-ce que nous pouvons dire que l'érable vit le même cycle? Bien, en tradition ésotérique, oui. En évolution spirituelle, oui. Ce sera peut-être au niveau catholique un cycle triple, mais on aura l'idée, on aura presque l'obligation émotive ou spirituelle d'extendre la vision d'un cycle au reste de la création. Autrement dit, le monde matériel n'est pas divisé en 7. Le monde vital n'est pas divisé en 7. Le monde astral est divisé en 7. Le monde mental n'est pas divisé en 7. Le plan supramental n'est pas divisé en 7, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a 7 races principales dans l'évolution d'un globe planétaire? Non. Est-ce que la race atlantéenne est la 4e? Non plus. Par contre, est-ce que nous pouvons considérer que dans la race atlantéenne, il y avait 7 sous-races, comme il devrait y avoir 7 sous-races dans la race blanche actuelle? C'est faux aussi. Le chiffre 7 est exact. Dans un seul monde, le monde astral, étant donné que toute la tradition spirituelle et ésotérique ne projette leur vision créationnelle ou leur vision, disons, établie des choses créées qu'à partir du monde de la mort, nécessairement, ils vont conclure que tout est septuple. Dans le plan supramental, les Atlantes faisaient partie de quelle race? La 4e, la 20e? Bon, du point de vue cosmique? Oui. Du point de vue cosmique, on s'en fout royalement. C'était les habitants d'une région que l'ésotérisme appelle l'Atlantide. Est-ce qu'ils étaient la 125e reforme de l'animal primaire? C'est une chose possible. Quelle 125e reforme à partir de quoi? Quand pouvons-nous considérer que nous venons de passer un autre cycle? Est-ce que c'est lorsque nous avons 25 cellules de plus dans un corps que nous pouvons dire c'est une autre race? On va dire non, il en faut au moins 1000. Sauf que quand on va être rendu à 9000, ils en font 1000, donc à 975, le 25 de plus va faire que tu vas être dans l'autre race. Mais ton 25 de plus, tu es dans l'autre race par rapport à lui, mais tu te trouves dans la même race par rapport à lui, qui lui est dans la race de celui-ci. Alors, à un moment donné, l'humain, dans l'évolution émotive ou ésotérique, pourquoi il est capable de faire des scissions aussi drastiques? C'est simplement parce que c'est bleu jusqu'à temps que ce soit rouge. Mais juste avant d'être rouge, c'était bleu. Mais pour l'humain, étant donné que l'humain fonctionne avec des filtres, il n'a pas un filtre qui se place entre les deux. Pour lui donner la nuance et la transition entre une couleur et une autre couleur. Et je parle de couleur présentement, mais on parle évidemment de perception du monde. C'est donc pas important de savoir de quelle race c'était. Non. On peut déjà savoir, par contre, qu'il y a une différence entre les Atlantes et l'humain d'aujourd'hui. Oui. Les Américains sont totalement différents des Européens, disons, des Français. Les Français sont totalement différents des Italiens, je l'ai dit, des Romains, oui, enfin. Les Romains sont totalement différents des Grecs. Les Grecs sont totalement différents des Iraniens. Est-ce qu'il y a 7 sous-races dans la race blanche? Ou s'il y en a 700? Puis les Montréalais sont différents des Gaspésiens. Et le Montréalais est différent du Montréalais Nord. Et dans la même famille, on a encore des différences. Alors, on veut s'amuser où? On pourrait s'amuser à établir les différences, s'il y en avait, entre les Atlantes et les autres habitants de la planète à l'époque. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait de différences biologiques, de différences de formation du corps? Bon, ben, premièrement, les Atlantes n'avaient pas un poids comme le nôtre. Leur masse n'était pas l'égale de la nôtre. Elle était inférieure. Ils n'avaient pas la même densité que la nôtre. Évidemment, le peuple atlantéen a vécu sur plusieurs milliers d'années, ce qui lui a permis d'avoir différentes formes d'évolution. Le continent atlantéen existait bien avant qu'il soit peuplé. Il a été peuplé par une migration vers le sud de ce qui avait survécu à des catastrophes telluriques au niveau de la Lémurie. Eux étaient montés vers le nord, qui est le Québec actuel, qui est le Québec ésotérique, entre autres, qu'on appelle la Terre Blanche. Ils migrent vers le nord. Le continent s'effondre sur son propre poids. Pourquoi? Parce que la Terre était en phase de densification. Elle était liquide. Il y a des magmas qui commencent à se densifier à la surface. Lentement, il y aura des structures de vie qui seront minérales. Il n'y a pas d'armes jusqu'à la Lémurie. Il y aura une arme et une sexualisation des véhicules en Lémurie. Il y aura une communication astrale, donc amique, c'est-à-dire qu'il y aura une conscientisation de l'âme en Atlantide et l'apparition du sang, de l'hémoglobine, grand véhiculeur de l'âme. C'est pourquoi ce peuple s'appellera la race rouge, alors que la race noire était la race lémurienne, simplement parce que leur corps était de plus en plus opaque à la lumière. Alors, astralement, les voyants qui ont fouillé dans les annales akashiques ont vu la première race hyperboréenne, celle qui vivait sur le bouclier canadien, totalement transparent. Ils ont vu une race qui commençait à absorber la lumière, mais surtout la lumière jaune, parce qu'elle s'opacifiait, la race jaune, la race hyperboréenne. Ils ont vu la même race dans l'évolution à travers le temps devenir de plus en plus opaque. Ils l'ont appelée la race noire, la race lémurienne. Ils ont vu l'apparition du sang et de l'hémoglobine en Atlantide, ils l'ont appelée la race rouge. Et ils ont vu l'apparition de la peau, qu'elle soit noire, jaune, rouge ou blanche, sur la race indo-européenne, et ils l'ont appelé la race blanche parce que la majorité des voyants de l'époque étaient eux-mêmes de race blanche, ce qui les amenait à une affinité plus facile avec les mémoires akashiques du peuple blanc. Et on parle par la suite de race bleue, ce n'est pas une race cutanée, c'est une race neuronique, on parle de la race bleue et on parle de la race violette, et par la suite on a terminé dans l'ésotérisme traditionnel l'évolution d'un globe. C'est faux, ça ne fonctionnera pas comme ça. L'Atlante est un être qui a détruit, premièrement, une grande partie de la planète. C'est un être qui a extrêmement participé à la pollution et à la dégradation de l'écologie planétaire à l'époque de l'Atlantide. C'est un être qui, de géant cyclope à plus petit, ressemblant un peu à nous, parce qu'il y a eu énormément d'évolution au niveau de la génétique à l'époque. Étant donné que les corps physiques n'ont pas la densification que nous connaissons aujourd'hui, le processus de cellularisation ou de mutation cellulaire ou de mutation génétique, négatif ou positif, était plus facilement accessible. Les rayons ultraviolets traversaient à peine avant le déluge. Une fois que la vapeur d'eau fut tombée au sol, pour la première fois, les Atlantes ont vu le soleil. Et comme il restait de la vapeur d'eau, ils ont vu aussi des arcs-en-ciel. C'est les premiers arcs-en-ciel qu'ils voyaient depuis la création de la planète Terre. Ce qui a fait dire à certains Melchisédèques qui ont laissé des traces dans la Bible, Dieu vient de faire une alliance, il n'y aura plus jamais de déluge. Parce que c'est techniquement impossible. Maintenant, ces Atlantes, il y a à travers ces Atlantes beaucoup d'expériences atlantéennes réincarnées actuellement. Et c'est évidemment le phénomène même de la conférence de ce soir que sont devenus les Atlantes. Ils sont devenus des habitants du contexte planétaire d'aujourd'hui. La conférence est intéressante surtout lorsque l'humain essaie à tout prix de réincarner des mémoires atlantéennes ou, si l'on veut, de se prouver qu'il est un Atlante. Qu'est-ce que ça a de bon d'être un Atlante? Ou ça n'a rien de bon d'être un Atlante. Qu'est-ce que ça a de mauvais? Ben, ça n'a rien de mauvais non plus. Qu'est-ce que ça a? Ça a beaucoup de problèmes. OK. Donc, c'est des problèmes, ben ça, OK. C'est ni bon ni mauvais, mais c'est problématique. Ah ben, c'est ça. OK. C'est quoi les problèmes? Bon, premièrement, l'Atlante de l'époque avait une conscience qui lui permettait d'avoir un plus grand contact avec le monde de la mort. L'Atlante avait une conscience télépathique beaucoup plus évoluée, étant donné que la structure de l'animal humain, l'Atlantéen, était en phase de fusion, donc en phase d'involution, donc en phase de densification. Aujourd'hui, nous sommes plus densifiés qu'eux, plus solides qu'eux, mais nous avons perdu le contact avec le monde de la mort. Pourquoi? Parce que nous sommes trop densifiés. Nous avons perdu le contact avec un paquet de forces archangéliques du monde de la mort parce que nous sommes trop densifiés. Nous avons perdu le pouvoir de la télépathie, totalement conscient, parce que nous sommes trop densifiés. Et nous avons perdu plusieurs choses que l'Atlante avait. La problématique, c'est que lorsque le médium, le voyant, s'en va faire un tour dans le monde de la mort, dans les annales akashiques, et qu'il va explorer le continent atlantéen, prenons l'exemple de l'île de Poséidonis, entre autres, il y a eu évidemment quelques autres îles majeures, mais en l'occurrence Poséidonis, qui portent différents noms selon l'interprétation vitale des individus qui vont fouiller dans le monde de la mort. Donc, selon les langages des individus. Les habitants de Poséidonis, quand on les voit du point de vue du monde de la mort, on se rend compte que ce sont des êtres qui semblent extrêmement évolués. Pourquoi? Parce qu'ils ont des machines capables de flotter sans carburant. Parce qu'ils ont un or léger, l'oricalque, qui, après densification de la planète, devient notre plomb. Mais à l'époque, ils ont l'oricalque. Et on n'en trouve plus aujourd'hui sur la surface de la planète. C'est évident, c'est du plomb. L'ancien or. Ils ont la capacité de se servir d'instruments qui condensent la lumière du soleil pour en faire des armes extraordinairement puissantes. Alors, ils étaient donc très évolués. Un peuple qui fait des armes extrêmement puissantes n'est pas un peuple évolué. C'est un peuple d'imbéciles. On connaît ça aujourd'hui encore, des peuples d'imbéciles. Sauf qu'aujourd'hui, ne pouvant aller chercher le soleil pour détruire, on va créer le soleil, qui est la bombe thermonucléaire. On regarde le phénomène atlantéen pour se rendre compte qu'il y a énormément de guerres, les Atlantes ont même détruit leur propre civilisation. Et par la suite, dans l'ésotérisme traditionnel, l'Atlante reste extraordinairement extraordinaire. Techniquement, il était avancé plus qu'on l'est dans certains points. Mais non. Même si c'était pour faire des armes, il n'avait pas. Non, les Atlantes n'étaient pas évolués. Ils n'avaient pas inventé le transistor. Ils n'avaient pas inventé l'automobile. Ils n'avaient pas inventé l'avion-réaction. Ils n'avaient pas inventé la bombe thermonucléaire. Ils n'avaient pas inventé l'irradiation au niveau médical. Ils n'avaient pas inventé les boulons. Ils n'avaient pas inventé les tournevis électriques sans fil. Ils n'avaient pas inventé le plastique. Ils n'avaient pas inventé... Non. Par rapport aux autres peuples qui habitaient la Terre ou à la même époque, il y avait un décalage. C'était eux, le peuple. Totalement. Oui. Mais quand, après ça, la race indo-européenne a commencé à vivre, l'Atlante s'est évoluée. Il reste rien que la race indo-européenne qui couvre le plan planétaire. Qu'elle est descendue en Afrique pour former la race africaine blanche, les Égyptiens noirs, la race noire. Qu'elle est migrée un peu partout sur le plan planétaire pour se changer à cause de l'alimentation tellurique. Mais si la race atlantéenne est si puissante et si géniale, comment se fait-elle qu'une race d'animaux à côté, la race indo-européenne, finisse par couvrir le contexte planétaire alors que les Atlantes n'en trouvent plus? C'est comme de dire que l'Allemagne d'Adolf Hitler, c'est ce qu'il y a eu de plus puissant à sa planète. Alors, comment ça se fait qu'ils ont perdu? Est-ce que les Atlantes n'étaient pas arrivés à un point où il n'y avait plus besoin tout simplement de corps physique, puis il n'y a pas besoin de revenir? Les Atlantes n'étaient pas encore arrivés à ce point-là. Les Atlantes partaient de ce point-là. Pourquoi ils n'ont pas inventé le transistor? Parce qu'ils étaient télépathes. Ils n'avaient pas besoin. Oui, mais est-ce que c'est être évolué que d'être télépathe? Pour l'imbécile ésotériste, l'imbécile traditionnel, qui lui va absolument rechercher des symptômes du passé dans l'évolution, être télépathe, c'est hautement être évolué. Mais si t'as pas besoin de transistor, t'as pas besoin d'être évolué. Exact. Comme l'homme des cavernes, l'homme des cavernes n'avait pas inventé le four micro-ondes. Pourquoi? Parce qu'il mangeait sa viande crue. Il était donc beaucoup plus évolué que nous autres. Mais l'Atlantéen, c'est ça qu'il y avait, l'Atlantéen. Drôlement plus évolué, il avait qu'à respirer pour se nourrir. Il était en phase d'involution, et c'est pourquoi il s'est autodétruit. Évidemment, il a laissé des petits. La race indo-européenne, qui est, elle, plus évoluée, mais plus abrutie. Mais dans un monde tellement plus dense qu'elle ne pouvait pas se détruire. Présentement, on contrôle la matière suffisamment pour pouvoir peut-être s'amuser à jouer à l'Atlante. Et là, qu'est-ce qu'ils sont devenus, les Atlantes? Ils sont toutes morts, totalement? Non. Ils sont réincarnés? Évidemment. Dans une région géographique qu'on connaît? Oui, ça s'appelle la Terre. La Terre, c'est... En Amérique du Nord, au Québec ou ailleurs? En Amérique du Nord, au Québec et ailleurs. Est-ce que plus principalement au Québec qu'ailleurs? Oui, plus principalement au Québec qu'ailleurs. Donc, théoriquement, il y a des Québécois, en grand nombre ou en petit nombre, qui peuvent être des anciens Atlantes, une partie d'anciens Atlantes. Mm-hmm. Beaucoup. OK. Non, c'est pas bon d'être un ancien Atlante. Ben, c'est ni bon ni mauvais. Bon, je peux dire que c'est pas bon, c'est dit problématique. Oui. Comment on se débarrasse du problème? Ben, en tuant l'Atlante chez soi. Puis en l'assimilant, totalement? En le digérant, en le bouffant. En le transmuant. Est-ce que les Atlantes étaient... En l'atlantisant. Est-ce que les Atlantes étaient reliés à un faisceau particulier, tous au même faisceau? Non, ou... pas tous au même faisceau, des faisceaux différents. La problématique, c'est que, historiquement, l'humain se réincarne, et historiquement, l'humain réincarne des parties qui font référence à ses lignées génétiques, donc à ses lignées familiales. Cela se fait jusqu'à un moment donné où l'expérience très puissante et très densifiée d'une race, on va prendre l'expression traditionnelle ésotérique, parce qu'habituellement les gens ont déjà cette information comme connaissance. Alors, lorsqu'une race approche de sa fin, comme l'actuelle race indo-européenne, la race qui a constitué nos corps physiques présentement, approche d'un cataclysme théorique. Il approche donc de sa fin. C'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Maintenant, vu qu'on approche de la fin, on approche donc d'une expérience, on approche du temps où l'animal humain, l'âme humaine, l'ego, ainsi que toute la matière, va vivre le plus densément possible l'expérience planétaire. Et normalement, c'est dans des holocaustes à l'échelle de la planète qu'il y a le plus de sécrétions émotives, que l'humain vit le plus ardemment. Dans le cas de l'Atlante, c'était vrai. Puis dans le cas qui peut nous attendre, ça peut être extrêmement ardent, effectivement. Bon. Maintenant, ce qu'on doit comprendre, c'est que les mémoires atlantéennes, qui sont des mémoires vagues, qui s'incarnent à travers ta dentition, qui s'incarnent à travers tes pieds, à travers tes oreilles, à travers tes cheveux, à un moment donné, lorsque une race comme la nôtre, présentement, qui est la race qui suit la race atlantéenne, approche de la fin d'un point culminant, d'un apothéose, possiblement précédé d'un apocalypse, nous approchons de la possibilité temporelle de permettre la réincarnation massive de ce qui a été vécu en Atlantide à la fin de l'Atlantide. Autrement dit, il y a très très peu d'émotions de plus en plus, surtout que la race atlantienne à l'époque s'est émotivisée à travers le temps. Dans le début, c'était pas tellement émotif. Et à un moment donné, il y a destruction de l'Atlantide avec énormément de pleurs et de grincements dedans, d'expériences dans le monde de la mort de la race atlante. Il y a la race indo-européenne qui réincarne des parties, puis qui en même temps vit sa propre vie, qui réincarne surtout de l'expérience de nos propres ancêtres, avec un peu d'expérience atlantéen, puis à peu près plus d'expérience lémurien, c'est digéré, on le mange dans nos cornflakes le matin. Et à un moment donné, nous approchons nous aussi de notre point culminant, 1992 aller jusqu'à l'an 2023. Évidemment, ce sont des chiffres, les historiens se sont toujours trompés dans le passé, je me fie à des livres d'histoire, mais on peut, si les dates, ça dépend encore de avec quoi ils ont étudié. Alors, lorsque nous approchons du point culminant, tout ce qui est mémorisé dans le monde de la mort, dans le point culminant atlantéen, a maintenant une tendance, parce qu'il est attiré, il peut revivre des conditions qu'il a déjà vécues. Et la problématique de l'Atlante, c'est que tout ce qui est réincarnationnel, donc traditionnel, et l'Atlante est évidemment du passé, tout ce qui est donc du mémoriel et passé, a une seule et unique fonction, ne pas mourir. Ne pas mourir veut dire recréer les conditions qui ont permis sa naissance, sa vie et son entretien. Comme ce qui se réincarne du côté atlantéen massivement actuellement, et depuis déjà quelques années quand même, et beaucoup actuellement, ce sont les mémoires de la destruction, de la finale pollution, de ce qu'on pourrait appeler la bête des Atlantes. Nécessairement, la majorité des réincarnations atlantéennes se réincarnent présentement. Et c'est grâce aux Atlantes, finalement, que la société va avoir un coup de pied au cul d'évolution, que la société risque de se voir évoluer, mais métamorphosée dans une évolution absolument salvatrice, qui devrait, si les Atlantes ont suffisamment de puissance, qui devrait passer par une holocauste nucléaire à l'Atlante. Mais dans l'époque, à l'époque des Atlantes, au moment où ils ont connu leur destruction, eux avaient, est-ce qu'ils avaient un contact avec le plan supramental ou le plan mental? Non, uniquement avec le plan du monde de la mort. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de corps humains qui ont un contact avec le plan supramental. Est-ce que ces deux plans-là, les mémoires des Atlantes combinées avec le plan supramental, peuvent faire en sorte qu'on évite l'apocalypse? Qu'on évite l'apocalypse, non. Avec la quantité d'Atlantes qui sont déjà incarnés, qui se réincarnent, éviter l'apocalypse. Pas avec les Atlantes. Mais si on les digère. Si on les digère, oui, mais pour ça, il faudrait que... La problématique, c'est qu'il y a tellement déjà d'Atlantes d'incarnés que ceux-ci devront commencer par s'entretuer. Lorsqu'ils se seront entretués, ils vont gagner le plan moronciel, ils peuvent s'incarner immédiatement dans d'autres phénomènes atlantéens ou gagner le monde de la mort. Là, ce sera le temps pour toi de les attirer et les digérer. Mais ceux qui sont déjà là, ils sont déjà vivants. Mais s'ils sont déjà vivants, ils n'occupent pas nécessairement 100% d'un individu. La majorité des mécanismes atlantéens, qu'est-ce qui va arriver? C'est que d'ici peu, et c'est commencé, il y aura de plus en plus d'êtres humains qui se réveilleront atlantes. Totalement. Et à un moment donné, ils vont avoir réellement la vibration d'être un atlante incarné. Alors, l'Atlante, les mémoires qui se réincarnent, et on sait que ça se réincarne dans l'humain 24 heures sur 24 tout au long de la vie du corps physique, les mémoires qui s'incarnent de plus en plus jusqu'à un moment donné où l'ego et l'entité qui déjà constituait l'humain d'ores et déjà, donc d'avant, la réincarnation massive du phénomène atlantéen, va totalement être digérée et là, l'ego va se réveiller en se disant qu'il est l'Atlante et qu'il en est certain. Maintenant, il faut faire attention, il y a eu un petit noyau d'Atlante, mais réellement petit. Est-ce qu'on comptait sur les doigts des mains, les Atlantes? Il y avait à peu près 10 millions de doigts. Il y avait combien de doigts? Ouais. Ça, 10 millions de doigts. Alors, ça se comptait sur les mains, les Atlantes. Non, mais ça, c'est une farce. Mais 3 doigts. Bon. Et lorsque cette poignée, d'ailleurs, elle s'est scindée en trois. Une partie, c'était Noé avec sa gang. Une autre partie, c'était un autre bonhomme Moroni avec sa gang. Et une autre partie, le nom, aucune importance. Il s'était pré-rame, il est monté vers le nord. Ce noyau s'incarne aussi. Ce noyau, c'est le noyau des Atlantes qui ont vu la problématique de destruction, la possibilité de destruction du système d'évolution planétaire. Eux ont fui. Bon, on sait que Noé était un généticien qui travaillait sur les îles Galapagos, donc une partie de l'Atlantide, et qui, à un moment donné, a fabriqué deux immenses boîtes de bois, deux arches, et il a mis 2 ou 3 ou 4 ou 15 ou 20 de chaque espèce du point de vue des deux sexes, de chaque espèce de ses laboratoires, évidemment. Il n'a pas traîné de brontosaures, d'archéoptérix, d'élasmosaurus, puis de tracodon avec lui. Alors, il a donc mis ça dans ses boîtes. Une boîte a échoué sur les terres de feu, l'autre sur le mont Ararat en Turquie. Et les autres Atlantéens du petit groupe, eux, avaient déjà commencé la migration bien avant Noé et bien avant Moroni, vers le nord. C'est d'eux que va descendre la race indo-européenne, surtout avec l'aide de Rama. Et il y aura mélange avec les peuples descendants de Noé. Noé, d'ailleurs, arrive après Rama. Et à Moroni, il y aura des vestiges encore de ceux qui auront survécu aux holocaustes atlantéens. Cette poignée s'incarne aussi en même temps parce que cette poignée a vécu une fièvre majeure, elle aussi, avant la destruction du contexte évolutif atlantéen. Et cette poignée s'incarne aussi. C'est évident que si on dit, oui, mais si moi j'incarne des mémoires de cette poignée, autrement dit, si je suis la réincarnation d'un atlantéen qui a vécu dans cette poignée, je suis donc un sauveur. Oui. Si je suis la réincarnation d'un atlantéen qui fait partie du reste, je suis donc un de ceux qui risquent fortement d'amener la planète à un autre holocauste. Oui. Et c'est quoi le pourcentage? C'est 1 pour 1 million. Mais un ongle incarné, ça s'arrache. On peut-tu faire la même chose avec un Atlante? Un Atlante incarné? Il y a 100%. Ce que je comprends pas, c'est qu'un Atlante, dans ce que tu me dis, c'est que ça s'incarne et ça occupe à 100% l'ego, l'âme de l'individu. Ça finit par posséder totalement l'ego. Alors qu'une incarnation normale, standard, ça serait pas le cas. Si j'incarne des parties de César, ça peut être à 0,5% de 1%. Oui. Puis un Atlante, lui, va prendre toute la place. Comment ça se fait qu'il réussit à faire ça? C'est très simple. Bon, prenons César. Est-ce que chaque Italien incarne César à 100%? Non. Mais chaque Italien incarne l'Italie à 100%. Oui. Alors, je n'ai pas dit que chaque Atlantéen, que chaque être humain qui recevait des mémoires atlantéennes incarnerait un des grands chefs. Mais ils vont devenir atlantéens à 100%, comme l'italien est italien à 100%, comme le grec est grec à 100%. Mais le grec est grec à 100% ne se prend pas nécessairement pour Philippe de Macédoine ou Alexandre le Grand. Bon. Alors, mais il vibre cette énergie. Tous les individus qui actuellement ont une conscience capable de polluer malgré toute l'information donnée sont fortement atlantéens. Tous les individus qui présentement sont capables de jouir du sexe à y aller sans contrôle sont possiblement très atlantéens. Tous les individus qui ont la capacité de se vautrer dans la décadence totale, que ce soit par l'alcool, la drogue, sont fortement atlantéens. Tous les individus qui espèrent en une guerre sont fortement atlantéens. Il y en a un Christophe. Est-ce que les Atlantes espéraient la guerre? Bon, les Atlantes n'espéraient pas la guerre. À l'époque, les Atlantes faisaient la guerre. Ils n'espéraient pas la guerre. Ils étaient toujours en guerre. Ils n'espéraient pas la paix. Les mémoires des Atlantes actuellement aimeraient mieux vivre une autre guerre. Aimeraient vivre encore une guerre. Si on regarde l'Allemagne d'Adolf Hitler, il y a énormément. Si on veut fouiller avec un troisième œil astralisé, il y a énormément de contexte atlantéen là-dedans. La race aryenne, c'est la quatrième verset de la sourate Mer Blanche. La race aryenne étant la première. Sauf qu'Adolf Hitler, lui, la race allemande a été constituée. Demain, il y a des descendances au niveau de ces Zarathustra, entre autres. Il y a des descendances et avec des mutations génétiques. Mais la race allemande fait partie de l'incarnation d'un immense peuple atlantéen qui a gagné l'Europe. Sauf que la race ramanienne, celle qui est reliée à Rama, qu'on va peut-être de temps en temps appeler aussi Ram, qui fait partie du folklore religieux, spirituel, où Rama est peut-être Krishna, et Krishna est peut-être Rama, puis l'un qui est le fils de l'autre, puis l'autre qui a affaire, en tout cas, ça se bat et ça se déchire. Au niveau de l'Inde, l'Allemagne est la réincarnation, le peuple allemand a été l'incarnation majeure d'un phénomène atlantéen révolutionnaire, qui a voulu sauver. Adolf Hitler était un fou dans son sens, dans son style, mais son idée primaire et la manipulation luciférienne qui l'habitait était de sauver le contexte planétaire, d'éliminer la possibilité que puissent avoir les Atlantéens, la majorité, de s'incarner autrement qu'à travers un peuple totalement régi par de l'élitisme, la race aryenne, que lui voulait grandir. Un aryen, c'était un homme ou une femme, blond ou blonde, aux yeux bleus. L'Atlante avait les yeux bleus en majorité. Donc, on a essayé par l'Allemagne d'Adolf Hitler d'interdire, de permettre la réincarnation uniquement d'une élite qui a voulu empêcher les catastrophes par la guerre et pour éliminer l'incarnation du reste. Ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que l'Allemagne n'avait pas prévu l'élite de la race blanche, l'Amérique, entre autres, évidemment l'Angleterre, mais l'Amérique surtout. Étant donné que l'Allemagne, autrement dit, étant donné que l'Atlantide allemande n'avait pas prévu l'élitisme de la race blanche qu'ils ne connaissaient pas dans leur mémoire archétypale, qui a donné les États-Unis d'Amérique, le Canada est intégré là-dedans du point de vue cosmique, parce que le Québec est à part, mais le Canada, c'est américain. Alors, nécessairement, il y a un morceau qui leur a manqué. Nous ne sommes pas prêts à être éliminés par l'Atlantide de peur, parce que les Atlantes ont peur que les Atlantes refassent ce que les Atlantes ont fait. Donc, les États-Unis d'Amérique ont réglé le problème. Par contre, présentement, étant donné que le problème de la première émeute atlantéenne a été éliminé dans notre temps, l'Allemagne, il y a maintenant possibilité que le reste de l'Atlantide se réincarne à travers tous les contextes nord-planétaires. Ça, c'est la partie problématique des Atlantes. Ben, ça a toujours été une partie problématique, de toute façon. Ben, ceux qui sont réincarnés aux États-Unis d'Amérique étaient... ont défendu, si je comprends. Non, et les autres, non, c'est la race blanche qui a défendu. Ce n'était pas la race atlantéenne. Mais dans ces individus-là, il n'y avait pas de réincarnation d'Atlante? À peu près pas. Maintenant que l'Allemagne ou l'Atlantide allemande a été détruite, maintenant, il y a l'évolution des races, ça continue, et nous nous approchons chronologiquement de la possibilité de l'Holocauste, c'est-à-dire d'Apocalypse. Nous approchons de la possibilité d'apocalypse. Moi, j'appelle cela l'apocalypse des autres, parce qu'il y a un moyen de ne pas vivre l'apocalypse, même s'il y a des bombes tout partout, tu ne la vis pas. Si on prend l'exemple des personnes qui, à Hiroshima, n'ont jamais été irradiées, il y en a même qui ont vu des chevaux se désintégrer devant eux, des bâtisses s'exploser en arrière d'eux, puis ils se demandaient qu'est-ce qui se passait, puis aucun tort génétique, et ce n'était pas pour eux la bombe. Il y a une façon de ne pas vivre l'apocalypse des autres. L'Atlante, qui, vu qu'on s'approche maintenant de l'apocalypse des autres, nécessairement, Toute la vague, la fumée atlantéenne qui restait dans le monde de la mort, maintenant se sent réellement réchauffée et attirée. Alors, à l'époque d'Adolf Hitler, c'était en Allemagne qu'un groupement d'élite atlantien s'est incarné. Présentement, c'est le reste de l'Atlantide, c'est-à-dire des millions et des millions de capacités mémorielles. Parce que si l'Atlantide n'a pas connu des milliards d'individus, elle en a connu des billiards. Donc, des millions de milliards à travers le temps qu'elle a vécu. Présentement, nous sommes 5 milliards, mais depuis 2000 ans, il y en a eu bien plus que 5 milliards d'humains. Disons que, simplement 300 fois 2 fois 5 milliards, ça va te donner une idée de la quantité d'humains qui ont foulé le sol planétaire dans la race blanche. Mais pourquoi les Atlantéens ont choisi, choisissent pour se réincarner le Québec? Ben, ils choisissent pas, c'est qu'ils sont attirés par des corps physiques. Pourquoi ils sont attirés par des corps physiques au Québec? Bon, premièrement, au Québec, il y a réincarnation d'un deuxième, j'ai parlé de trois niveaux. D'élitisme qui ont tenté de se sauver pour sauver ce qu'il y avait de plus évolué dans la race atlantéenne ou pour faire la guerre et sauver l'Atlantide. Les trois n'ont pas échoué, mais les trois ont échoué dans leur plan. Ils n'ont pas échoué cosmiquement, ils ont échoué dans leur plan. Il n'y a pas de libre arbitre, les autres croyaient qu'il y en avait un, il n'y en a pas eu non plus. Au Québec s'incarnent deux sortes d'Atlantes. On peut dire trois, puis quatre, puis 20 000, mais en tout cas, disons deux sortes. Lesquelles? Ils s'incarnent, premièrement, ceux qui ont monté vers la Terre blanche et qui ont engendré l'humanité dont nous sommes les descendants. C'est ceux qui ont plus facilement sauvé les choses. Et ils s'incarnent en même temps au Québec, l'autre point élitique qui, elle, a voulu, par la guerre, encore une fois, empêcher. Il y a eu deux plans. Il y a eu un phénomène qui était Noé. Noé était un homme extrêmement violent. Si on peut parler d'hommes à l'époque, en tout cas. Et Moroni, c'était pas la mère morte non plus. Ça y allait par là. Et ceux qui sont montés vers le nord étaient quand même aussi violents, mais c'était les plus pacifiques. Mais il faut faire attention qu'on parle de pacifique là-bas. À l'époque, pacifique, ouais, à l'époque, ça voulait dire pacifique comme aujourd'hui. Ouais, c'est ça. C'est comme celui qui, c'est plus pacifique, on peut faire une différence. Il y en a qui collectionnent des papillons, ils les mettent dans de l'éther, ils les tuent, ils les épinglent. C'est sadique. Moi, quand j'étais jeune, j'étais moins sadique. Moi, je n'aimais pas tuer, alors je les épinglais vivants. Ah, ça dépend des niveaux, des points de vue. Donc, ils étaient moins violents. Alors, au lieu de battre les femmes jusqu'à mort, eh bien, ils leur coupaient la tête. Quand la femme ne faisait pas ce qu'il fallait. Bon. Alors, ils étaient moins violents. Il y a donc ces deux mécaniques qui s'incarnent ici. Il y a des Atlantes qui vont essayer de réunir le peuple atlantéen dans le but de reformer quelque chose pour ouvrir la conscience des Atlantes, c'est-à-dire qu'il y a présentement une contingence d'Atlantes au Québec qui vont tout faire pour récupérer des corps physiques de façon à ce que des mémoires de leur phénomène expérientiel puissent s'incarner jusqu'à posséder ces individus. De ce fait, ces individus devraient se réveiller dans quelques années, Atlante. Il y a un autre phénomène réincarnationnel atlantéen qui, lui, étant donné que c'est ceux qui ont évolué, donc migré vers la Terre blanche, le Québec ésotérique, le bouclier canadien, énormément d'années avant les problèmes apocalyptiques, ces êtres-là ont vu d'un œil extérieur la problématique de l'Atlantide et ne sont absolument pas, du point de vue réincarnationnel, d'accord, pour qu'on réessaie des solutions atlantéennes qui n'ont amené que la destruction des phénomènes. Ils ne sont pas pour l'escalade des armes, il y a plusieurs choses pour lesquelles ils ne sont pas, et ils ne sont surtout pas pour l'idée de redevenir Atlante. Donc, il y a, on va encore parler, disons, de trois phénomènes. Il y a la masse atlantéenne qui s'incarne un peu partout dans le contexte nord-planétaire. Au Québec, il y en a aussi, mais pas nécessairement plus qu'ailleurs. Ce sont les pollueurs, ce sont les destructeurs, ce sont les décadenceurs. Et ça, c'est à travers le monde. À travers l'hémisphère nord planétaire, surtout. Maintenant, au Québec, il y en a aussi dans les États-Unis d'Amérique, ça va de soi, mais parlons du Québec bouclier canadien. Le deuxième groupe qui s'incarne et qui veut se reconnaître atlantéen, il y en a un peu en Europe, il y en a un peu aux États-Unis dans les États-Unis d'Amérique, et il y en a surtout au Canada, surtout au Québec. L'autre groupe le plus intéressant, en mon sens, parce que, disons que j'ai déjà failli venir de là, c'est les entités atlantéennes qui s'incarnent petit à petit dans le but de se faire digérer par la race blanche. Donc, les individus qui vont digérer les mécaniques atlantéennes de cette façon ne se réveilleront jamais semble que je suis un Atlant. Ils vont peut-être dire, j'ai peut-être vécu en Atlantide. Puis, mais ils ne pourront pas aimer l'Atlantide. Ils ne parleront pas de cela comme du bon vieux temps. Là, c'est pas comme une possession, dans ce sens-là, c'est une la fusion. La race blanche, oui, c'est une fusion, mais c'est une fusion dans laquelle la race blanche, autrement dit, moi, toi ou d'autres personnes ici, vont digérer les mémoires atlantéennes pour pouvoir se servir. Autrement dit, ces Atlantes, cette partie-là, si on veut spiritualiser, ce sont des mécaniques espritiques tellement évoluées qu'elles acceptent de se sacrifier totalement du point de vue de leur conscience pour ne donner à notre conscience que l'information apothéosique, donc anti-apocalyptique, que nous aurions besoin pour prévenir l'apocalypse ou pour faire, excusez E.T., pour faire comme eux, fuir l'apocalypse. Si nous réincarnons des mémoires atlantéennes, nous risquons pas, mais nous allons participer à l'apocalypse. Si nous digérons des mémoires atlantéennes, nous n'allons pas participer à l'apocalypse. En digérant des mémoires atlantéennes, non seulement nous aurons l'expérience énergétique, biologisable facilement, de ce que l'humain doit faire en cas d'apocalypse, parce que la race blanche n'a jamais vécu d'apocalypse. On parle dans la Bible des apocalypses de nos ancêtres, mais c'est les autres races. Nous n'avons pas la vibration énergétique de ce que c'est qu'une apocalypse. Nous n'avons donc pas l'information planétaire pour reconnaître quoi faire en cas d'apocalypse, pour échapper à l'apocalypse. Et pour la prévenir, pas la prévenir, mais la sentir, la vibrer, l'apocalypse, avant qu'elle arrive? Il y a l'humain qui va survivre, se doit d'être au bon moment, à la bonne place. Comment un humain peut-il savoir quand c'est le bon moment d'être à telle place? Il a le goût d'y aller? Non. L'Atlante sait. Mais est-ce qu'il le sait consciemment ou est-ce que accidentellement, entre guillemets, il se ramasse à Saint-Jovite le vendredi après-midi à 3h, c'est là qu'il fallait qu'il soit? L'Atlante qui s'incarne délicatement, c'est pas à Saint-Jovite, tu peux avertir ta soeur tout de suite. L'Atlante qui s'incarne délicatement et qui permet qu'on le digère, lui ne sait pas où c'est, mais il a l'expérience d'un contact avec quelque chose qui lui a dit où aller. Il a le contact, l'expérience du contact avec un instinct. Cet instinct, il ne sait pas ce que c'est. C'est l'intelligence supramentale. Elle est utile et elle est utilisable. Mais est-ce que l'individu ressent une pression, un goût d'aller à quelque part, ou si ça s'écrit dans sa tête, je sais pas, je nommerai pas de ville, un nom de ville à quelque part, puis va-t'en là. L'individu, à un moment donné, ça dépend des personnes. Il y en a qui vont se diriger, et puis qui vont entendre à la radio qu'ils ont bien fait de se diriger. Il y en a d'autres qui vont le savoir qu'il y a plusieurs années d'avance. Il y en a qui vont avoir le goût d'aller s'installer, de déménager, d'aller vivre ailleurs. Deux lois. La loi de l'animal humain. Toute loi émotive, spirituelle, théologique, traditionnelle, ésotérique ou occulte, reliée à l'occultisme. Autre loi d'évolution, loi de l'être humain, loi d'initiation solaire, loi de l'intelligence, loi du plan supramental. Si je parle contre toi dans les lois de l'animal humain, je te nuis. Dans les lois de l'intelligence supramentale, si je parle contre toi et que toi tu es en contact mentalo-supramental, je t'aide. Pourquoi? Parce que je sécrète dans le sens opposé. Je t'aide. Si tu veux être riche, je te vois pauvre et tu deviendras riche. Mais dans le contexte de l'animal humain, dans le contexte piscéen, tout ce qui est relié à l'air du poisson, si je te vois pauvre, tu deviendras pauvre. Donc, je fais des projections de richesse, je deviens riche. À l'instant où je deviens un supramentalisable, un conscientisable, je projette d'être riche, je serai pauvre. Quand je dis et quand d'autres disent, dans les Laurentides, c'est dans le Nord que... Ah, il y a un paquet de personnes, ça se garage dans le Nord. Eux vont là pour écœurer les Mérégouins. Avant que nous y allions. Eux vont là pour haïr la place. Mais haïssant la place, dans le contexte spirituel, ils communiquent collectivement le règne de la place et de plus en plus d'individus haïssent la place. Mais pour ceux qui sont conscientisables, ça crée un effet de levier inverse. Ça va être amélioré pour nous. Plus il y a d'êtres humains qui parlent contre moi, plus vite j'évolue, plus vite je deviens riche, plus vite je les fais chier, autrement dit. Plus ils sont jaloux, plus ils ont de quoi être jaloux. Au niveau de l'Atlantide, c'est la même chose. Parlons du phénomène évolué de l'Atlantide. Ce sont les mémoires de l'Atlantide qui s'incarnent en se laissant digérer par notre conscience. Notre conscience lucide, par notre mental, par nous. Eux se deviennent lentement. Pourquoi? Premièrement, on doit comprendre aussi une chose, c'est que le monde de la mort dans la prochaine apocalypse va être totalement anéanti. Toute mémoire qui sera dans le monde de la mort dans la prochaine apocalypse sera totalement détruite. D'où la recrudescence, évidemment massive, d'incarnation de tout un passé, qu'il soit atlantéen ou qu'il soit carrément historiquement race blanche, il peut être égyptien, il peut être de ce que l'on voudra, on veut bâtir des pyramides présentement, mais des pharaons là-dedans. Une mémoire qui se réincarne consciemment, pas qui se réincarne, mais qui cellularise consciemment, en réalité, elle fait une bonne décision, là. Elle fait la décision. Ben, elle fait la décision. Elle ne fait pas exprès, là, c'est un accident, c'est une mécanique, mais c'est ce qui va y arriver de toute façon. Du point de vue de la mémoire, elle est extrêmement mal prise. Du point de vue cosmique, c'est absolument génial. Bon. Alors, il y a donc une recrudescence. Pourquoi? Parce que le monde de la mort, comment il s'appelle le mec, les mondes appellent Saint, mais c'est pas Saint, c'est Jean. Jean de Patmos, lorsqu'il a écrit l'Apocalypse. Il n'a pas écrit l'Apocalypse de Saint-Jean, Jean de Patmos. Il a écrit l'Apocalypse. Selon Saint-Jean. Mais non. Non. Jean n'a pas écrit l'Apocalypse selon Saint-Jean. C'est lui, Jean. Il a écrit l'Apocalypse. Bon. Ce qu'il lit, dit selon Saint-Jean. Il n'a pas écrit l'Apocalypse de Saint-Jean. Il a écrit l'Apocalypse de la Bible. Voilà. Lorsque Jean écrit ça, il dit qu'à un moment donné, les individus voudront trouver la mort et ne pourront la trouver. Mais ça, je l'ai expliqué souvent en séminaire, mais c'est ça, il n'y aura plus de monde de la mort. Étant donné que les mémoires atlantéennes les plus évoluées savent qu'il n'y aura plus de monde de la mort, leur information, l'expérience planétaire doit servir, donc ils s'incarnent. Les autres vont à un moment donné être poussés, totalement poussés par la mort dans le monde de la mort, la destruction totale des mémoires par vitalisation, c'est-à-dire que nous allons nous servir de leur mémoire pour nous créer des doubles éthériques qui nous rendent immortels. Alors ça ne veut pas, ça veut participer à la conscience qui deviendra immortelle, donc ça s'incarne sous pression. Comme un gros presto et la chaleur monte de plus en plus. Ben, les patates, ils en ramassent la vapeur. Les patates, c'est nous autres, évidemment. La vapeur, c'est le monde de la mort. Ça s'incarne sous pression. Plus ça s'incarne sous pression, plus nous sommes manipulés par l'incarnation du phénomène atlantéen. Nous pouvons orchestrer notre onde de forme, nous pouvons orchestrer notre vie de façon à incarner, premièrement, des mémoires du passé qui sont aristocratiques, qui sont intelligentes, qui sont artistiques, qui sont esthétiques, qui sont capables d'accepter le neuf, qui sont capables d'aller vers demain, qui sont capables de révolutionner les choses, donc accepter le neuf. Et nous pouvons, et nous devons, travailler aussi l'onde de forme de notre parole, de notre attitude mentale, ainsi que de notre corps physique, pour attirer uniquement des mémoires évoluées du contexte atlantéen, celles qui nous préservera de vivre l'apocalypse des autres. Est-ce que ça empêche les autres mémoires atlantéennes de se réincarner, les destructives ou les guerrières? Ça les empêche surtout de nous digérer en tant que conscience. Elles ne pourront pas dominer l'humain. Elles ne seront pas attirées par des corps physiques qui ont cette onde de forme-là? Non. Alors donc, si on récapitule brièvement, que sont devenus les Atlantes? Premièrement, les Atlantes se sont détruits. Comme c'est possible que la race humaine blanche le fasse? Deuxièmement, les Atlantes, évidemment, c'est les corps physiques qui se détruisent, se ramassent dans le monde de la mort. Dans le monde de la mort, beaucoup d'Atlantes sont incarnés chez les Mayas, chez les Incas, ceux qui refusaient la mort. Beaucoup d'Atlantes sont incarnés chez les Égyptiens. Beaucoup d'Atlantes sont incarnés chez les Aryens. Beaucoup d'Atlantes sont incarnés chez les Teutons. Beaucoup, dernièrement, d'Atlantes, mais là, un palier, un noyau complet, ont constitué l'Allemagne nazie d'Adolf Hitler. Oh, c'est absolument génial. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces Atlantes-là? C'est pas si loin que ça, cette guerre-là. Sont-ils réincarnés? Sont-ils encore en Allemagne? La majorité plane encore au-dessus de l'Allemagne, quoique une grande partie de l'élite allemande vit au Japon, vit aux États-Unis et contrôle une grande partie de la finance planétaire. Est-ce qu'eux sont reliés à un faisceau particulier? Oui. Et ils se sont déconnectés. Certains sont reliés à un faisceau. Bon, on va laisser faire le nom, mais on parle d'un faisceau vert. Les autres sont reliés à un faisceau lazarien. Puis, évidemment, il y a des diversités au niveau des autres faisceaux. Et ceux qui contrôlent la finance, est-ce qu'ils sont au faisceau lazarien? Oui. Oui, absolument. Il y a des Juifs là-dedans. Il y a beaucoup de Juifs qui étaient Allemands. Et il y a beaucoup d'Allemands qui étaient Juifs. Et puis, ça n'a pas été catégorique. Quand l'Allemagne a voulu éliminer les Juifs, c'était pas les Juifs qui l'éliminaient. Elle devait faire un trou dans l'égrégore juif trop puissant pour permettre à l'intelligence supramentale qui devait arriver de ne pas descendre uniquement dans le peuple juif comme c'est arrivé il y a 2000 ans. C'est le Nazaréen et l'autre Jean, Jean la Grande Gueule, Jean le Baptiste, qui ont reçu surtout le contact supramental. Ça devait être digéré, divisé et fusé au niveau du plan planétaire. Et c'est pourquoi l'Allemagne a dû faire un trou dans l'égrégore juif en détruisant les juifs. Mais il y avait beaucoup de juifs allemands. C'est pas un gros problème. D'ailleurs, même Adolf Hitler était moitié juif. Donc, que sont devenus les Atlantes? Le dernier bastion réincarné dans l'élitisme était l'Allemagne. Maintenant, il y a un bastion élite qui s'incarne au Québec et un peu ailleurs. Et eux se reconnaîtront atlantéens. Et il y a un autre bastion d'élite, mais d'aristocrates, de pacifiques, d'écologistes, qui ont fui. On dit fuir parce que c'est spirituel. Qui ont abandonné les problèmes et qui ont migré. Il y a aussi ce bastion-là d'élite, très aristocrate. Attention, les Atlantes qui s'incarnent présentement, qui font partie de l'élite, de ceux qui se reconnaîtront atlantéens, sont bien souvent aussi aristocrates. Parce que ce sont quand même les peuples les plus avancés de l'Atlante qui vont s'incarner. Adolf Hitler et sa gang, c'était aristocrate. Il y avait l'art, la musique, les uniformes, c'était extrêmement convenable. Mais c'était évidemment atlantéen du point de vue violemment militaire. Mais c'était très aristocrate. On ne peut pas dire que les Atlantes ou les Allemands étaient des barbares. Ils ont massacré, bah oui, ils ont pris quelques imbéciles, puis leur ont dit, tiens, occupe-toi du camp de concentration, concentre-toi là-dessus, et puis ça nous libère, nous autres. On appelle ça de la délégation. Ils ont mis des animaux humains là-dedans, puis l'animal humain, il a fait ce que l'animal humain fait. Comme les Allemands juifs sont à tendance faisceau nazaréen, est-ce qu'on peut présumer que les autres réincarnations de ce même faisceau-là seront dans le monde de la finance, puis que le monde de la finance va contrôler la guerre ou l'apocalypse? C'est parce que le travail de Lazare est presque terminé. Premièrement, il faut savoir que Lazare est né en Lémurie. Il a travaillé aux côtés de Noé en Atlantide. Il s'est incarné chez les Égyptiens, enfin chez les peuples de l'époque. Il a été connu sous le nom d'Iramabef, entre autres, avec Salomon, et lorsqu'il a construit différentes bâtisses. Il est revenu par la suite, on le connaît sous le nom de Lazare. Il est revenu après ça sous différents noms de comtes. Et finalement, le plus connu, c'est le comte de Saint-Germain. Il est revenu sous le nom de Thomas Paine pour finaliser l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Et il est revenu sous d'autres noms qui ne vaut pas la peine de nommer présentement parce qu'il est pluri-revenu, c'est-à-dire qu'il est présentement, il cohabite dans différents corps à l'échelle des États-Unis d'Amérique, de l'Angleterre, de l'Europe et du Québec. On parle donc de façon lazarienne, mais son travail est quasiment totalement terminé, ce qui fait que d'ici peu, lorsqu'il y aura des humains suffisamment intelligents pour totalement être assujettis aux lois de l'évolution, ces humains-là prendront le pouvoir, auront le monopole de la finance, et ça, c'est ceux qui deviennent des aristocrates planétaires, c'est-à-dire ceux qui deviennent aristocrates dans l'intelligence supramentale, en digérant des mémoires atlantéennes. On n'a pas besoin de courir après les Atlantes pour les digérer, là, ça vient tout seul, mais ceux qui ne se reconnaîtront pas atlantéens tels quels. Moi, je ne suis pas un Atlantéen. Ceux-là, là. Oh, bébé, oui, enfin, ben, bon, voilà. Tu fais bien de me couper, vas-y. C'est ça que je pensais. Ceux-là vont réincarner, ceux qui vont réincarner les mémoires de Lazare, oui. Entre autres. S'ils contrôlent la finance, vont en même temps contrôler l'armement. Donc, est-ce qu'ils peuvent éviter l'apocalypse à cause de ça, ou est-ce que c'est leur... Non, l'humain, premièrement, Lazare est un phénomène qui n'est pas Melchizedek. C'est un phénomène qui est beaucoup plus archangélique, c'est un phénomène qui est gardien. Si on veut fouiller dans des noms, on pourra dire que c'est un phénomène qui est beaucoup plus Vorondadec que Melchizedek. Bon, le phénomène Melchizedien, c'est un phénomène catalyseur. Ça ne participe pas dans l'évolution. Melchizedek, ça n'évolue pas. N'évoluant pas, il n'y a pas de participation évolutive dans sa condition, mais il participe à l'évolution de contexte planétaire. Donc, il accélère l'évolution dans une région sans prendre part à l'évolution. Il n'évolue pas lui-même. Un Vorondadec ne fait pas la même chose. Il évolue. Et il maintient des consistances archangéliques, c'est-à-dire des consistances d'évolution de troupeaux, de groupes, de collectivités. Alors, le comte de Saint-Germain ou Lazare dirige évidemment tout le mal et le bien sur le plan planétaire. On sait qu'il, sous le nom de Christian Rosenkreuz, il a fondé l'Ordre Rosicrucien, qui présentement commence à s'effuser avec, à se diviser. Il a fondé évidemment la franc-maçonnerie, qui est totalement à l'antipode de l'Ordre Rosicrucien, bien que dans les têtes des deux ordres, les grades se rejoignent. Mais il y en a un qui est beaucoup plus, disons, violent. L'autre beaucoup plus pacifique, quoique les deux font similairement le même travail du point de vue cosmique, bien que, possiblement, les francs-maçons et les Rosecrans ne pourront peut-être jamais s'entendre. Ou s'attendre à s'entendre. Lorsque nous concevons la finance ou l'armement, Il faut comprendre que, étant donné que Lazare n'est pas un phénomène melchisédien, il ne peut pas accélérer les choses. Ne pouvant accélérer les choses, il y aura une mécanicité qui, elle, sera Melchisédek, qui est connue sous le nom de Satan, qui, elle, ou alors Lucifer, c'est un phénomène beaucoup plus élevé qu'un phénomène melchisédien, mais qui prévaut à l'évolution des phénomènes melchisédiens. Donc, il y aura une mécanicité dans l'Apocalypse qui s'appellera Satan ou la bête. Enfin, c'est des mécaniques qui sont séparées, mais qui sont reliées au même connecteur, au même logiférateur. Et eux vont canaliser pour accélérer l'évolution de l'humanité, donc pour précipiter l'âge de fer de l'âge de fer, le Kali Yoga du Kali Yoga, l'âge du mal dans l'âge du mal, qui normalement s'appelle l'Apocalypse. Alors l'armement, quand tu dis, est-ce que les autres pourraient éviter? Ils ne peuvent pas éviter. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs choses que l'humain ne peut peut-être pas comprendre du point de vue émotif présentement. Mais dans le monde de la mort, pour que le monde de la mort se fusionne de façon à éliminer le monde de la mort, il doit y avoir énormément d'expériences planétaires similaires. Et l'expérience planétaire similaire la plus facile à amener sur le plan planétaire humain, c'est la guerre. Donc il faut qu'il y en ait une, cosmiquement. Ça meurt, ça naît, ça meurt, ça naît, ça meurt, ça naît, tout dans le même bateau. Dans le monde de la mort, c'est la même expérience, ça se fusionne et ça élimine des humains. En renforçant les mécanismes réincarnationnels. Si moi je veux, et si vous voulez réincarner, disons que nous sommes, nous nous assoyons à un moment donné sur notre chaise et nous nous concevons suffisamment puissants, et nous voulons réincarner les criminels de guerre. Nous voulons réincarner les criminels sociaux. Nous voulons réincarner les criminels planétaires. Mais pour ça, il faudrait qu'il n'y ait plus de corps physique de criminels pour les réincarner, ceux-là. Parce que t'es là, crime, t'as beau vouloir les attirer, mais il y a un criminel qui vient de naître là-bas, il y a la génétique pour tuer. Fait que le criminel s'incarne dedans, puis enfin un criminel, puis nous autres, on se fait tuer, pas l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Il doit y avoir un contexte où l'homme, l'humain, ne doit pas participer à l'élaboration de ce contexte-là. Adolf Hitler a voulu participer, mais évidemment, il se casse la gueule. C'est un martyr. Nous ne devons pas participer, donc nous ne devons pas précipiter des guerres. Des destructions, des famines, etc. Ce qui va arriver à un moment donné, de toute façon, c'est que les meurtriers vont s'entretuer. Les animaux vont s'entre-déchirer. Et cela va être précipité par une mécanicité sataniste. On pourra revenir là-dessus en conférence à un moment donné. Et nous devons être totalement différents pour ne pas participer à leur apocalypse. Est-ce qu'il faut boucher notre canal réincarnationnel, arrêter de recevoir des... C'est évident que, grosso modo, très rapidement, ce qu'il faut faire, c'est sûr que si on peut étrangler le canal réincarnationnel, on coupe totalement le contact avec le monde de la mort, on ouvre l'ajusteur de pensée qu'on rend opérationnel. L'ajusteur de pensée peut aller dans le monde de la mort. L'ajusteur de pensée étant un filtre que nous contrôlons, différemment du canal réincarnationnel, que nous pouvons contrôler par la mécanique de l'onde de forme, mais pas par la volonté consciente. Alors que le canal est ajusteur de pensée, nous le contrôlons par la volonté consciente. Un gros avantage, l'ajusteur de pensée va dans le monde de la mort et va aller chercher les réincarnations qui nous sont utiles, mais par volonté consciente et non pas par mécanique endoformique. Lorsqu'il a été chercher ce qu'il avait besoin, il traverse le monde de la mort pour gagner le plan mental, il réincarne les mémoires qu'on a besoin, il va dans le monde supramental réincarner ce qu'on a besoin, c'est un ajusteur, et il nous amène l'information supramentale, donc l'intelligence instantanée, ce que les antiques religions appellent l'Esprit Saint. Un esprit totalement pur, non coloré par l'émotion archaïque et expérientielle de l'humanité. Est-ce que mécaniquement, un groupe d'êtres qui seraient capables de contrôler leur ajusteur de pensée pourrait réincarner des mémoires du monde de la mort, puis ensuite aller chercher ce qu'il faut dans le plan supramental pour les assimiler puis les détruire sans qu'il y ait d'apocalypse physique? Bon, il faut faire attention. Premièrement, tous ceux qui travaillent pour ajuster l'onde de forme pour devenir des aristocrates. On en a parlé souvent en conférence, on en parlera encore. Ceux-là déjà ont une tendance évidente à échapper à l'apocalypse des autres. Ceux qui auront un système aristocratique échapperont. Mais ils pourront quand même subir l'apocalypse. Je suis général. Dans l'armée, je suis donc un aristocrate. J'ai mon chauffeur, j'ai un uniforme qui est différent, Lorsque je suis fait prisonnier, si on veut torturer pour faire avouer, on va torturer les soldats, bien avant de torturer le général. Alors, mon aristocratie me préserve déjà de plusieurs choses. Je ne parle pas juste du général, mais j'arrive dans une société, moi j'envahis Montréal, je ne tuerai pas tous les notables. Si j'ai des exemples à faire, c'est avec le peuple. Les notables, je les garde pour les mettre sur mon bord ou pour m'en servir différemment, mais j'ai besoin de l'aristocrate. Donc, déjà, le fait de devenir aristocrate, ça ne veut pas dire d'être riche. Non, c'est pas ton porte-monnaie, c'est pas la grosseur de tes poches. Ouais, bon. Qui fait que tu es aristocrate? J'ai rien dit. Correct. C'est ce que tu rayonnes. Donc, devenir aristocrate. Maintenant, devenir un aristocrate planétaire, cela veut dire être un aristocrate qui réincarne l'aristocratie hautement évoluée du phénomène atlantéen et qui réincarne toutes les aristocraties extrêmement évoluées du contexte pycéen, l'ère du poisson, et qui a un contact ajusté, opérationnel avec le plan supramental. C'est donc une aristocratie élitique totalement neuve que la planète n'a jamais connue. Ceux-là ne verront même pas d'apocalypse à l'échelle de la planète. Oh, ils verront même pas de cheval se désintégrer devant eux autres. Là. Ils verront pas là parce qu'ils seront pas là. Il y aura des interventions extraterrestres comme on en a déjà parlé. C'est important. Il y aura des interventions extraterrestres comme j'en ai déjà parlé. Voilà. Mais pas comme on en parle régulièrement. Bon. Alors, l'être humain doit avoir un ajusteur de pensée qui va lui permettre d'aller chercher différentes choses. La majorité des Atlantes se réincarnent présentement à l'échelle de la planète et ce sont ceux qui détruisent. Dans un point élitisme, il y a eu l'Allemagne d'Adolf Hitler. Dans un autre point élitique, qui est quelques doigts, parce que c'est quand même plus petit, c'est les Atlantes qui présentement se reconnaissent et ceux qui se réveilleront Atlantes, se reconnaîtront Atlantes. Eux, à un moment donné, auront l'énergie et la puissance pour tenter une révolution qui n'est pas nécessairement pacifique. Ils ne le savent peut-être pas présentement. La majorité vont à un moment donné se réveiller là-dessus. Et ils verront comme solution finale, ben, quand les boîtes sont les démolies toutes, on n'aura pas d'apocalypse. Ça permet d'accélérer l'apocalypse. Ils ne le savent pas. Et il y a d'autres Atlantes qui s'incarnent très subtilement, qui, eux, font évoluer l'humain sans que l'humain devienne Atlantéen. Ils ne veulent pas devenir Atlantéen. Eux, ils veulent devenir... ils veulent faire partie de la race blanche, donc devenir ce qu'on peut appeler indo-européen. Alors, on va faire une petite pause, étant donné que les heures sur la planète passent vite, et on revient. Et si vous avez des questions sur le sujet, moi, j'ai d'autres choses à rajouter de toute façon, puis on... La cassette de la première partie est disponible à l'extérieur, puis ceux qui veulent des informations sur les conférences, sur les séminaires, José et Michel sont à l'extérieur.